chanson dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine. Dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête, dansez à chaque seconde, dansez jusqu'au bout du monde. On a tous une chanson dans le cœur, un air qui nous met de bonne humeur. Quel que soit le style, un CD, un vinyle, on peut l'écouter pendant des heures. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gamozo 107 FM. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur le web. Je rappelle rgm.vauge.io. Io. 2.8000 schlass. Ça commence bien. RGM. Bon, bah, vous le connaissez tous par cœur maintenant quand même. Alors, bien sûr, ainsi que tous nos amis Facebook. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui nous écoute. Il y a plus de 400 personnes qui ont vu notre publication. Alors bonjour le Québec, il est 10h. Le Québec se réveille. Je fais un petit coucou à ma petite équipe. Coucou à la Belgique et à la Suisse. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Bah, je vais très bien, tu es dans les studios. Ben écoute-moi, je vais bien aussi. Du moment que tu es là, du moment que je suis avec toi. Bah voilà. Ça va bien. Impec. Donc il y a qui présente des émissions aussi. Hein, oui. Ton émission la bulle de l'IA, qui est très suivie. Hein, ça c'est, va. Voilà, hein, ça va. Hein, suffit. Ouais, ça hein, va. Des bonnes audiences quand oui, même. Oui, hein, va. Voilà. Donc collègue animatrice, voilà, je présente. Alors vous étiez Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique en direct jusqu'à 17h. Alors, cette semaine, un artiste, Alain Vicente, qui va nous parler de son univers musical, de ses rencontres, de ses projets et de ses, et on aura bien sûr des exclusivités. Avant de rejoindre mon invité, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur Facebook, Radio Gamozo et Gilles Mougel officiel. Je rappelle que l'émission sera mise en podcast, bien sûr, sur notre mur. Et l'émission sera rediffusée aussi dimanche 21, je crois, oui, à partir de 18h sur la bande FM. Voilà. Donc je rejoins maintenant Alain. Bonjour Alain. Salut à tous. Salut Gilles. Bonjour Alain, comment vas-tu? Eh ben écoute, super, super, ça va. Le soleil est revenu, donc c'est que du bonheur. Et puis d'être avec vous, ouais. D'être à la fois en France, en Suisse, en Belgique, et puis... au Canada, c'est que du bonheur de partager encore une fois, donc c'est génial. Ah oui, tu vois, très content. On voyage hein, sur Radio Gamozo, on s'exporte. Hein. Ouais, ça c'est hein, chouette. C'est bon, tu me l'avais dit, tu m'avais oui, prévenu, tu m'avais dit, je tu verras, dit, hein. Ouais. C'est sympathique, c'est donc c'est non non franchement, c'est super. Puis merci d'avoir pensé aussi à tout ça quoi, donc c'est génial. Ouais, donc, bah moi voilà. Je te remercie d'être sur nos ondes cet après-midi hein, dans les années bonheur. Bah, j'en profite bien. Pour te passer le message un petit coucou de Lynn. Donc, bah, qui te passe le bonjour du Québec. Ah, c'est génial. Et bah, transmets-lui la même chose parce que voilà, c'est fantastique de rencontrer des gens comme ça, ouais. Qui ont du cœur et puis qui sont près des artistes comme ça. J'adore ça. Elle était. Puis on en avait parlé un petit peu et. Oui, bien sûr. Elle est à l'écoute hein, là, de toute façon, je pense. Et bah, je lui fais un bisou. D'accord, s'ils sont bien réveillés. Ah oui, c'est vrai qu'il est 10h, c'est vrai. Oh, ça va, 10h, c'est bon. Ouais. Bah, c'est, hein, bon, c'est vrai que ça... Alors Alain, dis-moi, je crois que tu es d'une région où il y a du bon vin. Oui. Hein? Alors, c'est pas ma région où non, je suis né, pas. Mais effectivement, aujourd'hui, je vis dans la région du sud-ouest du vin, effectivement, Bordeaux. Voilà, Bordeaux. Et c'est une très belle région, et c'est vrai que pour un épicurien comme moi, ouais. Et ben c'est fantastique d'être ici. Quoi. Bien sûr, on va dire avec modération. Hein? Exactement. Comme tout. Ah, comme tout. Mais je crois que pendant le confinement, tu sais, il y a peut-être eu un peu d'abus, hein, parce que les gens, ben voilà quoi, ils étaient là, tout ça, ils buvaient pas mal l'apéro, tu sais, en virtuel, tu sais, avec les amis, ils faisaient des apéros virtuels, tout ça. Exactement. Hein, c'était sympa pour cette période-là. Ouais, c'est bien aussi. Ah oui. C'est sûr. Mais enfin, voilà, maintenant, on est déconfiné, on a le soleil chez nous aussi, dans les Vosges. Alors, les Vosges, est-ce que tu connais? Donc, région Grand Est? Oui, j'ai dû y aller en vacances, c'est un grand mot, mais j'ai dû y aller avec mes parents, parce que quand on était gamin, mes parents bougeaient beaucoup en France. Ouais. Et puis, ils aimaient bien visiter des régions ou d'aller dans d'autres régions, dans d'autres pays, et on est obligé de passer par certaines régions. Et c'est vrai que ça me parle maintenant, te dire que je connais exactement, je m'en tirais. Oui. J'ai dû y voir, j'ai dû y passer. Et la France est si belle, c'est vrai. Exactement. Hein, je crois que cette année, bon, par rapport à tout ce qui se passe, je pense qu'il y aura beaucoup de vacanciers qui ne partiront peut-être pas à l'étranger, mais qui, bien sûr, vont aller en vacances, vont aller visiter des régions qu'ils ne connaissent pas. Hein, pour certains, c'est vrai que voilà, c'est. Il y a tellement de belles choses à découvrir, justement, parce qu'on se dit tout le temps, on va chercher ailleurs, parce que on voit des cartes postales, on voit des... Alors qu'en France, on a des belles régions. On a... C'est vrai, tout à fait. C'est vrai que quand on regardait la télé, dans les infos, des fois, tu sais, ils nous présentaient, enfin, surtout les infos de 13h, ils nous présentaient des fois comme ça des belles vues de différentes régions. De régions, ouais. Voilà, ouais, c'était... Voilà. Donc, comme tu l'as encore... Pardon, excuse-moi. Oui. Non, vas-y. Non, mais j'allais rebondir un petit peu sur ce que tu disais. Oui, par rapport aux régions, effectivement, puis les marchés. Les marchés, bien sûr. De senteurs, de belles choses comme ça. C'est chouette, ouais. C'est toujours agréable à découvrir, ouais. En tout cas. Alors, tu sais que je suis accompagné de ma collègue Lia. Eh ben, enchanté, Lia. Voilà. Ben, pareillement, Alain. Ah, super. Ben, c'est très gentil. Lia, c'est mon rayon de soleil, tu sais. Elle a régi son, tu vois. Ouais. Alors on est derrière une vitre, hein, bien sûr, tu sais comment ça se passe en studio, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein, voilà, donc voilà, on a ôté le masque. Voilà. D'ailleurs, on a fait une belle photo, hein, Lia. Tout à fait, une photo masquée. Une photo masquée. Vous verrez ça sur les réseaux sociaux. Excellent. Il faut en rire. Comme je disais à des amis, quand j'avais le masque, je les appelais en masqué, moi. Alors j'ai déjà un petit message à te livrer, Alain. Et puis après on va commencer, oui. Alors c'est une fidèle auditrice de Radio Gémozo qui me met plaisir de vous écouter. Mon petit coucou à toi et à Vincent et tout RGM. Big bisous. Donc ça vient de Sylvie. Eh ben c'est très gentil Sylvie, merci beaucoup. Voilà, elle était à l'écoute Sylvie. On t'embrasse. Eh ben, au plaisir de partager un petit peu ces moments justement dans cette situation. Oui. Et d'échanger, de partager tout ça, c'est fantastique. Bah, merci d'être là, merci d'être connecté et de votre fidélité aussi aux nombreuses radios comme la vôtre qui font beaucoup de choses pour nous, les artistes. Et, donc c'est très sympa. Merci beaucoup. Mais c'est avec plaisir. Alors Alain, oui, tu nous entends bien là, ça va. Ouais. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Alors tu es, je dirais, bon, enfant de la chanson française. À quel moment tu as commencé un petit peu à pousser la chansonnette? Alors, moi je dirais très tôt. Maintenant, trouver un âge. Disons que j'ai été bercé par la chanson française par mon papa. Ah oui, d'accord. Qui écoutait beaucoup de chansons françaises. Et puis j'ai très vite adoré ça et bercé par ça, donc bah j'ai envie de fredonner. Je fredonnais au départ et puis après voilà, maman me disait tiens c'est mignon quand il chante Alain, il chante juste ça, c'est ça. Ouais. Et puis la vie a fait que ça m'a emmené tout doucement à découvrir des artistes qui par leurs chansons, leurs mélodies, leurs textes m'ont fait tendre l'oreille et m'ont dit on peut dire ça en chanson, ah on peut faire ça, on peut chanter ça. Et j'ai trouvé très vite a été Charles Aznavour, oui bien sûr, pour avoir suivi dans tes lives Facebook, j'ai vu que j'allais te demander bien sûr je sais qu'un petit peu quels ont été tes artistes qui t'ont inspiré pour la chanson. Ils ont été nombreux parce qu'il y a eu la voix, il y a eu le texte, il y a eu la musique, il y a eu l'ensemble de ça. Ouais. Ça a été Charles Aznavour effectivement, mais quand je dis ça, c'est parce que c'est lui qui m'a fait tendre l'oreille sur des belles chansons, sur les histoires qu'on pouvait raconter de A à Z. Et puis après, j'aimais beaucoup le charisme sans comprendre dans ses chansons ce qu'il disait, mais ça a été Elvis Presley. Ah oui. C'était pour moi, il incarnait à la fois la beauté, la voix, le style, le rock, parce que je suis rocker aussi dans mon âme. Oui. Après, j'ai été bercé aussi par Eddie Mitchell, par Johnny Hallyday, par tous ces chanteurs qui allaient naître à un moment donné et qui allaient, sans le savoir, me faire devenir un amoureux de la chanson française et puis aimer les interpréter. Voilà. Ça, c'était bien pour sûr, moi, ça a été le départ. Toutes ces belles voix, hein, donc que tu viens de citer là, bien sûr. Ouais. Et puis bon, tu parles d'Elvis. Alors on va être potes tous les deux parce que moi je suis un fan d'Elvis aussi. Allô. Oui, je suis là. Ah oui, pardon. Je t'écoute. Ah d'accord. Oui, je te disais, on va être potes, hein, parce que moi je suis fan d'Elvis aussi. Bah c'est génial ça. Bah on est nombreux, hein. On est nombreux à être fans. Bien sûr, bien sûr. Il avait quand même un énorme talent, un potentiel. Un charisme que c'est vrai, que c'est pour vrai, pas ouais. Aimer après je peux comprendre qu'on aime pas mais franchement c'était puis moi j'ai toujours cœur à écouter, à redécouvrir une de ses chansons ou d'entendre quelqu'un d'autre qui les interprète. Qui les interprète, bien sûr. C'est ouais. Toujours bien. Oui, donc, alors, tes parents, enfin, tu m'as parlé de ton papa, donc ton papa était petit peu dans la, il était musicien ou? Ouais. Non, il était pas musicien, il était électricien et puis dans sa carrière il était tellement doué dans son métier qu'un jour il a eu la chance de rencontrer Claude Lelouch. Ah oui. Et après qu'il Claude Lelouch lui a fait rencontrer le groupe Persan à l'époque qui était anciennement Barclay. Ouais. Et puis il a travaillé, il était l'électricien donc pour le cinéma, pour tout ça. Et puis moi à l'époque j'allais travailler avec lui de bonne heure, j'ai travaillé avec lui. Et puis, j'ai assisté à toutes ses connaissances, ses partages à travers son métier qui n'était pas artistique, mais enfin, dans un autre domaine, si, mais très vite, j'ai été auprès de ces gens-là, et puis, ça m'a donné encore plus l'envie d'être saltimbanque, bien on sûr. Va dire. C'est vrai souvent, les parents nous ont inculqué tout ça, hein, nous ont fait partager, après, on aime bien la musique et tout. Ça vient beaucoup aussi. Hein. C'est, je dirais, plus souvent, moi, c'est une éducation aussi. C'est vrai que les parents écoutaient, certains artistes et tout, et puis ça nous est resté. Ben oui, c'est et, ça. C'est, hein, c'est ça. Exactement. C'est l'influence aussi. C'est vrai que s'ils avaient écouté un style que je n'aurais pas forcément apprécié, est-ce que j'aurais fait ce que j'ai ? Je sais pas. Je pense que oui, mais c'est vrai que ça m'a aidé. Parce que de l'entendre chanter des vieilles chansons qui, sans le savoir, 30 ans après, j'allais les interpréter au bal, j'étais fier de ça aussi. Parce que c'est sûr. De fredonner les chansons de que mon père chantait ou que mon grand-père pouvait aussi fredonner, c'était ou ma grand-mère. Voilà, c'était une consécration quelque part. C'était chouette. Bien sûr, bien sûr. Alors Alain, avant... On continuera après, bien sûr, hein. Ouais. Parler un petit peu de ton univers. Si tu veux, on va s'écouter une première chanson. Superbe. Super. Hein, on va écouter un premier titre. Ouais. Alors, ce titre, ça s'intitule On s'attendra. On s'attendra. Alors là, donc, c'est une histoire. Ouais. On l'écoute si tu veux, puis après tu nous en reparles. Il n'y a pas de souci. Merci. Pas de soucis. Avec grand plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Soignant, je ne sais rien d'elle, elle ignore tout de moi, juste qu'elle est belle et je l'aime déjà. Tous les soirs à 20h, c'est troublant, elle me jette un regard en souriant. Je ne sais rien d'elle, elle ignore tout de moi, juste une étincelle et le feu prend moi. On attendra la fin de ces vacances qui n'en sont pas. On attendra, S'attendra. Voilà. Eh oui. Très belle chanson. Quel joli texte, quelle, oui, quelle belle composition. Ah oui, oui, oui, c'est vrai que ouais. On accroche tout de suite. Hein. Ah, c'est gentil. On accroche tout de suite. Non, non, c'est sincère, Alain. Ça serait pas sincère, je dirais rien. même l'IA, elle se balançait un petit peu sur la musique, je crois. Très belle. Oh, ouais. Très, très belle. Bien. Ah, c'est gentil. Oui. Très beau timbre. Bravo. C'est très gentil, merci. C'est sincère. Et puis, j'ai oublié, quand j'ai pris la parole avec Lia tout à l'heure, on a un jeune fan qui est là avec nous, c'est Jonas. Un jeune stagiaire. D'accord. Il est tout petit. Qui a très, vraiment apprécié aussi. Ouais. Ah, c'est... Ouais, ouais, voilà. Quel âge il a? Il a un grand sourire. Jonas, quel âge tu as? 9 ans. Ah, tu vois, 9 ans, hein? Ah, il est avec sa bien, maman. Ça. Il est avec sa maman. Ah, c'est bien. Bah, je te fais des gros bisous. C'est gentil. Voilà, donc cette chanson, on attendra, Alain. Donc, le texte est de Thierry Brenner, je me trompe pas. Oui, hein, tout à fait. Voilà, et la musique, tu me rappelles... C'est de Luigi Tornello. Luigi Tornello, voilà. Ok. Donc, une chanson... Allô, oui, je t'entends. Ouais. Pardon. Vas-y. Parce que des fois, j'ai peur que ça coupe. Non, non, t'inquiète pas. Si jamais ça coupait, écoute, ben on passe une chanson, puis on te récupère après. D'accord. Voilà, donc, une chanson écrite, bon, bien sûr, pour les soignants aussi. Hein. Exactement. Voilà, exactement. Je te laisse peut-être en dire quelques mots, bien sûr. Eh ben, alors effectivement, elle a été inspirée du moment, enfin de tout ce dirais-je, enfin de ce qu'on vit aujourd'hui, quoi, de ce confinement. Ça a donné une idée à Thierry Brenner. Après avoir vu les infos, on pourrait croire qu'il a imaginé, mais non, parce qu'il a ressenti une histoire d'amour entre un homme et une femme à travers deux immeubles les uns en face des autres. Ah oui. Et, Il a voulu quelque part retranscrire en chanson, en texte surtout, une histoire entre un homme et une femme qui tombe amoureux en fait compte par ce confinement et qui il dit on s'attendra justement pour vivre notre amour en plein jour. Après quand on sera tous déconfinés, mais on ne sait pas quand, donc on attendra. Et effectivement, de rendre un hommage à tous ces soignants qui ont donné de leur temps, de leur amour, de leur passion pour sauver nous, quoi, et de voir tous ces gens qui les applaudissent de balcon, ça lui a donné l'envie de mélanger un peu toutes ces histoires et d'en faire cette chanson. Et ensuite, il l'a envoyé à Luigi Tornello, le compositeur, et qui, en écoutant cette chanson, lui est venue très rapidement cette mélodie. Et puis de cette mélodie, ils me l'ont envoyé, ils m'ont dit « Alain, qu'est-ce que t'en penses ?» Alors moi, je l'ai écouté une fois, et j'ai dit « J'adore, j'adore, voilà. » D'accord, Je sens bien ce que je peux faire dessus, je sens... Et puis tout de suite, je l'ai mis en studio, à la maison, j'ai posé ma voix dessus, et puis on l'a enregistré, on l'a écouté, on était contents du résultat. Et puis après, Luigi s'est dit « Et si je faisais des arrangements ?» Donc à la base, c'était piano voix, et puis il a fait les arrangements et ça a donné cette petite pépite, parce que moi je trouve que c'est une très très belle chanson. Et puis avant de l'enregistrer en studio, quand je l'enregistre en studio, je dis à Thierry, je dis c'est ce qui serait superbe, c'est qu'on fasse un clip de cette chanson et qu'on la partage. On n'avait pas forcément d'idée de départ, dans l'original, quoi. Puis je lui dis, et si on demandait à tous les fans, tous nos amis qui sont confinés, de nous faire une petite vidéo de quelques secondes, en nous faisant un signe de compassion. D'accord. Ils ont tous joué le jeu, et ça a donné, grâce à Camille Senot, la réalisatrice du clip, ça a donné cette chanson qui a été partagée plus de 8000 fois. Ah oui. Qui a été vue. C'est franchement, c'est extraordinaire. Ah oui. Et puis je fais partie de ce petit clip. Exactement. Et j'allais te le dire. Donc toi, tu fais partie. On est très très fiers de vous avoir tous ceux, pour certains qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, bien sûr. Avoir joué le jeu pour avoir réalisé cette belle chose, quoi. C'est été fantastique. C'était donc, avec on remercie tous. Oui. Du fond du cœur. C'est avec grand plaisir. Thierry m'a envoyé un petit message et puis il me dit voilà, écoute, ouais. Gilles, si tu peux faire une toute petite vidéo, de quelques secondes, pour le clip, pour Alain. Ben, j'ai bien sûr, avec plaisir. Et c'est vrai que je rebondis. Thierry a toujours des belles idées. Alors, des beaux textes, bien sûr. Et je me souviens aussi d'un texte qu'il avait fait, pour un autre artiste. C'était au moment des attentats à Paris, le 15 novembre novembre 2015. Et c'est vrai que Thierry, pareil, je crois, en regardant, comme tu l'expliquais tout de suite, en regardant aussi les infos tout de suite, ça lui a inspiré aussi une chanson. Oui, voilà, c'est ça. Puis cette facilité de retranscrire ce qu'il va voir, ça le touche et le retranscrit en texte. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'écouter ce texte-là aussi, cette chanson, et c'est digne de lui, parce que... Alors c'est vrai que c'est drôle, mais quand je l'ai eu au téléphone, encore il n'y a pas longtemps, et souvent il le sait, parce que je lui dis pas souvent, mais je lui ai déjà dit, je le compare, sans prétention aucune, mais je vais le comparer à Dabadi, je vais le comparer à Delanoé, je vais le comparer parce que je trouve qu'il a cette plume, il a cette idée de mettre en mots les histoires, c'est extraordinaire. Et donc je lui tire mon chapeau, parce que je suis très très fier de chanter ces textes. C'est vrai. Alors est-ce que ce titre sera sur ton prochain album dont on parlera tout à l'heure? Il sera sur le prochain album, d'accord. Okay. Il sortira en octobre d'ailleurs, parce que là ça y est, on a toutes les chansons. Oui. Le public en connaît 6, parce que c'est vrai que depuis le confinement, j'ai organisé des petits concerts de la maison, que je fais depuis tous les vendredis ou tous les mercredis, ça dépend. Et je véhicule justement les 6 premiers titres de l'album, qui s'intitulera « L'instant présent ». Oui. Ils vont avoir l'opportunité de découvrir tout à l'heure. Exactement. Et donc, on avait l'idée de vouloir leur en proposer une autre, et puis une autre. Et puis on s'est dit, on va garder les 6 autres sous le coude. Et puis, quand ils auront l'album chez eux, ils auront le privilège de découvrir les 6 autres. Donc, il y en a 6 qu'ils connaissent, et les 6 autres, ils les découvriront. Et elles sont toutes aussi très jolies. D'accord, oui. Et puis on va en écouter deux tout à l'heure, hein, puisque tout à fait. Tu nous donnes l'exclusivité. Oh, je vais y arriver. L'exclusivité avec un grand plaisir. Voilà, sur deux titres hein, qu'on écoutera. Tout à fait. Voilà. Alors bon, je refais un petit peu flashback. Bien sûr. Donc tu enfant. Voilà. Là, on l'a dit, la chanson française. Tu démarres avec, t'intègres différents groupes, hein, comme un petit peu tous les. Les futurs artistes, futurs chanteurs, hein, voilà. Ouais. Et ça, c'est comme je dis toujours, c'est une bonne école hein, pour démarrer. Quand tu intègres comme ça des groupes, je veux dire que c'est une bonne école pour la suite. Bah, bien sûr, ça permet de découvrir à la fois des musiciens, de d'échanger humainement. Oui. Et puis d'apprendre surtout, parce que on a toujours besoin d'apprendre. Bien et sûr. J'ai appris auprès d'eux, auprès des musiciens qui m'ont appris un petit peu la musique, qui m'ont un peu voilà mis le pied à l'étrier. Et puis et de musicien en musicien, j'ai enrichi mes connaissances et jusqu'au jour où je me suis dit bon bah voilà, maintenant c'est à moi de d'aller vers la direction dans laquelle je veux aller quoi en fait. Oui oui. Mais ils m'ont tous guidé quelque part. Bien sûr, où là tu te lâches en solo en fait hein, où tu prends, ouais, voilà, c'est ça exactement. D'accord. Et c'est vrai que j'ai fait. Oui. Oui. Vas-y, je t'écoute Alain. Non mais disons que en comment dirais-je, professionnellement, il y a quelques années, maintenant il y a une vingtaine d'années, j'avais rencontré un pianiste qui m'a dit pour te former, pour l'endurance, pour tout, il faut que tu fasses du bal. Oui. Mmh. Et j'ai intégré donc les orchestres. Et en une vingtaine d'années, j'en ai fait que deux. Et là, c'est vrai que j'ai appris l'endurance, j'ai appris à être sur scène pendant 5 heures, le avant, le après, le pendant, la violence que ça peut être aussi d'être sur scène et de donner de soi à tel point sur une fractionnée. Oui. Ce que ça peut être de rentrer chez toi et d'être épuisé parce que t'as tellement physique. Donné exactement c'est physique c'est vrai que on peut certaines personnes ne peuvent ne pas le croire mais rester sur une scène pendant un certain temps c'est physique exactement. Et puis c'est là que j'ai compris que effectivement de faire ce que l'on aime, de découvrir tout ça, au début on se dit ouais, c'est du plaisir, oui, c'est du plaisir, mais ça devient un métier. Bien sûr, ouais. Et quand j'ai découvert que justement c'est un métier à part entière, quand on mélange la passion, le métier, ça devient une alchimie extraordinaire lorsqu'on va rencontrer des gens comme tous ceux que j'ai pu rencontrer, et surtout l'aboutissement, et ça j'y mets un point d'honneur, à travailler aujourd'hui avec Thierry Brenner et Luigi Tornello, parce que c'est comme si il a fallu que je passe par tout ça pour arriver aujourd'hui à me dire, enfin les gars, voilà, on travaille ensemble, il y a une alchimie, et maintenant on n'a plus qu'à mettre en application tout ce que vous avez fait en amont, et oui, tout ce que j'ai pu réaliser aussi, quoi. D'accord. Voilà. Alors, en 1992, tu composes ton premier titre, Julie. Ouais. Ouais. Voilà. Souvenir. Ouais. Ouais, j'ai composé Julie. C'était pareil, dans l'innocence un petit peu de ces années-là, parce qu'on a l'impression qu'on peut tout faire. On peut donc. À l'époque, Julie, c'est une copine. C'est pas ma petite amoureuse, mais c'est une copine. Ça devient une amie. Et puis on est en plein dans cette maladie qui va nous frapper de plein fouet. C'est le SIDA. Ah, et puis elle est atteinte de cette maladie, elle va s'en aller quelques années après, et bien avant tout ça j'ai lui écrit une chanson et puis sans le savoir elle allait être aimée de pas mal de personnes. Oui. Mais à l'époque je suis un petit peu vierge de tout ça, donc j'ai pas autant de connaissances que je peux en avoir aujourd'hui, et voilà, après elle va comment dirais-je voir le jour, et puis après elle va finir dans un tiroir. Oui, bien sûr. Mais par contre voilà, ça m'a permis de mettre sur papier un petit peu comme si j'avais exorcisé un petit peu tout ça. D'accord. Alors voilà, je te propose d'écouter donc un deuxième titre. Tout à fait. Alors, on va écouter, bien sûr, l'instant présent, qui sera le titre éponyme de ton futur album, hein, si on peut. Exactement. Ça, hein. Exactement. Et j'adore cette chanson aussi. Ah, oui, enfin, de toute façon, je les adore toutes, alors. Oui, moi, je te dirai aussi mon avis sur les suivantes aussi. C'est vrai que c'est. Alors, on écoute l'instant présent. Super. Et ben, bonne écoute à tous. L'instant présent, c'est le cadeau de vivre au bon moment, en rupture d'équilibre, avec ces gens qui font d'un homme libre un prisonnier du temps. L'instant présent, c'est le bonheur de dire accomplir en cet instant ce qui reste à construire pour être heureux vraiment. Passé antérieur, futur compliqué, vivre l'instant sans chercher à tricher. Passé antérieur, futur compliqué, prendre le temps d'apprécier ce qui sera plus. L'instant présent, c'est de pouvoir choisir chemin faisant, la direction à suivre au gré du vent, et savoir lâcher prise au souvenir. Instant présent, ouais. Alain Vincente sur les ondes de Radio Gamozo cet après-midi. Voilà, Alain, on vient d'écouter cette belle chanson aussi. Je veux dire, c'est des mélodies accrocheuses, je trouve. Voilà, c'est, hein, c'est. Exactement. Et puis, alors c'est vrai que ces chansons, elles ont été enregistrées pendant le confinement, donc oui. Elles ont été travaillées, voilà, pendant tout ça pour. Pour se dire, on va les véhiculer, il faut absolument les partager, il faut donc c'était que du bonheur, quoi. Et puis quand je vois l'impact qu'elles peuvent avoir, à chaque fois que je les interprète le vendredi soir. Oui. J'ai cœur de lire les messages, de voir les partages, de voir tout ça. Et je trouve que c'est fabuleux. Et, donc je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous écoutent de faire qu'un artiste existe à travers eux, parce que c'est grâce à eux qu'on peut partager tout ça, quoi. Bien sûr, oui. Et puis c'est vrai que sur tes lives, pour avoir regardé une ou deux fois, je m'en excuse, mais c'est vrai que j'étais pas toujours présent parce que l'horaire, tu vois, comment je veux dire, mon épouse est une soignante. Elle travaille à l'hôpital et puis donc voilà, il y a des horaires, c'est pas toujours évident. Donc mais bon, pour avoir regardé, je veux dire, t'as un nombre de fans, enfin de personnes qui te suivent, c'est formidable, quoi, je veux dire. Ouais. Toutes ces personnes qui te suivent là, que où je voyais là tous ces messages qui défilaient, c'est formidable, quoi. C'est que de la, enfin c'est vrai, c'est souvent ce que je dis, mais c'est du naturel, c'est de l'amour, c'est y a pas de chichi, y a pas de faux semblant, c'est quand je lis les messages, j'ai toujours cœur d'y répondre parce que oui, voilà, bien sûr, ça me touche. Et puis c'est vrai, c'est vrai, donc c'est-à-dire que c'est comme une alchimie, c'est-à-dire qu'ils ressentent ce que je donne et ils me le renvoient à travers leur amour, leur passion, leur générosité, leur temps aussi. Et tout à l'heure, tu disais que tu n'as pas besoin de t'excuser de ne pas être sur les lives. Il n'y a pas d'obligation. Non, mais tu y es quand tu peux y être. Bien sûr. Je sais très bien que tu as plaisir aussi à les redécouvrir et d'en parler. Voilà. Moi, ça me, il n'y a pas d'obligation. Je veux dire, c'est un moment de partage. C'est que du bonheur de pour moi déjà de proposer des chansons, les nôtres, enfin voilà, les nôtres. Bien sûr. Et puis aussi d'interpréter les chansons qu'on va me demander parce qu'ils sont du patrimoine français. Et puis et voilà, donc c'est au contraire, c'est que du bonheur. Bien sûr, d'y être que pour le temps d'une chanson, le temps d'un refrain. Et puis d'y revenir, et puis voilà, c'est la vie. On voit que tu aimes ce que tu fais, parce que je veux dire, ce que j'ai vu, je veux dire, tu restes naturel, tu fais tes chansons, t'as une petite part d'humour aussi quand tu, voilà, quand tu réponds. Ouais, non, mais c'est vrai, quoi, je veux dire, t'es quelqu'un de je dirais attachant, enfin pour moi, tu vois, ce que j'ai ressenti. Non, mais c'est ce que j'ai ressenti, hein, en te voyant. Bon, on avait eu une ou deux petites conversations au téléphone, hein, pour préparer l'émission, mais exactement, c'est vrai, c'est voilà, je pense que les personnes comme toi, voilà, qui restent naturelles, qui vont faire quelque chose de feront quelque chose de bien, parce que bon voilà, il y a des personnes qui sont pas toujours comme ça. Ça me touche, Gilles, ce que tu me dis, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, on a fait connaissance. Mais ça, j'ai toujours cœur de le dire, de toute façon, ça ne sert à rien de tricher. Nous sommes, je veux dire, ça sert à rien. Puis toutes les vérités, tous les mensonges, un jour ou l'autre, se découvrent, donc ça sert à rien. Et si c'est pour bâtir quelque chose entre nous, et puis qu'un jour, on découvre que c'est pas vrai, mais surtout dans notre milieu, on aura plus fait de descendre que de monter. Donc d'être qui je suis, on m'aime, on ne m'aime pas, et puis ceux qui ne m'aiment pas, c'est pas grave, un jour ou l'autre peut-être que vous m'aimerez, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas à travers cette chanson, mais un jour ou l'autre peut-être que vous allez vous dire ah ouais, merde, je me suis peut-être trompé en fait, je change pas, puis j'ai pas envie de changer. Ne change pas. Alors Alain, s'il te plaît. Ouais. Alors ouais. Là, tu vas écouter. Ouais. J'ai reçu quelque chose pour toi. Ah. Écoute, s'il te plaît. Vas-y. Bonjour Alain, c'est Thierry. Si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est que j'ai accepté de te faire cette petite surprise dans l'émission de Gilles Mougel. Alors voilà, on s'est rencontrés avec ton épouse et toi, ça fait déjà quelques années en arrière. Tu étais venu voir un petit peu ce que je fabriquais dans ma tanière comme chanson, et je t'ai fait écouter tout plein de choses. Tu en as retenu quelques-unes, et puis tu es reparti voguer dans ton dans ton bordelais. Eh bien, Après, c'est vrai qu'il y a eu une coupure, mais tu sais, quand la vie a choisi de réunir les êtres, que ce soit par l'amour, l'amitié ou le travail, il y a des choses subtiles comme ça qui se font et elles se sont faites. Et c'est comme ça qu'on a pu retravailler ensemble depuis ce début d'année pour mettre au point cet album qui va sortir en fin d'année et qui va être d'une élégance rare. Voilà. Alors je tenais à te le dire parce que c'est l'émotion que tu y as mise, la confiance que tu as faite vis-à-vis de toute ton équipe. Moi je trouve que c'est une force extraordinaire qui va te porter très loin. Donc Alain, je vais pas monopoliser l'antenne aujourd'hui, c'est ton moment. Donc je te fais toutes mes amitiés et puis je te dis à très bientôt, parce que évidemment on a encore des choses à voir sur cet album, mais ça c'est pas un problème, tu sais très bien que tu pourras toujours compter sur moi. Allez, merci aussi à Gilles de m'avoir ouvert l'antenne pour ce petit mot d'amitié. À bientôt. Eh ben voilà, là. je suis ému là. J'ai les larmes aux yeux parce que c'est tellement une belle rencontre que j'ai tellement attendu ce moment-là de rencontrer quelqu'un qui allait pouvoir mettre sur des feuilles blanches. Une histoire qui dans une chanson, comme on dit dans Paris, une histoire qui n'est pas la tienne, oui. Et puis en fait compte une histoire qui devient la mienne. Et je trouve que c'est fantastique, parce que c'est même pas la mienne qu'elle devient, c'est la nôtre, quoi. Oui. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Donc ouais, c'est émouvant, parce que voilà, toi, c'était la... Non, je t'ai pas dit tout de suite au début, forcément, c'était la petite surprise. Alors, on est toujours de connivence avec Thierry. Ah, c'est très gentil, ça me touche. Non, mais Thierry est toujours très très gentil aussi de répondre présent des fois quand je lui demande. Voilà, une petite un petit message, tu vois. Et bon, ouais, voilà, j'y tenais à te. Enfin, c'est Thierry qui a fait le message. On tenait à te faire cette petite surprise. C'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Ouais, c'est un très beau cadeau. Voilà, là. Merci. Mais je t'en prie. ça fait vraiment plaisir. Alors on va, oui, 16h43 déjà, ça passe vite, hein. Ouais. Alors on va parler. Alors bon, je vais revenir un petit peu sur ta bio. En 2012, donc tu te lances enfin en solo. Tu fais la première partie d'Evangélie et de Chris Anderson, là, c'est dans tes rencontres, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc Chris Anderson, c'est qui chantait là la chanson de la Boom, hein, c'est bien ça. Alors Non, c'est Richard Anderson. Oh là là, c'est moi. Voilà. Je m'excuse, je confonds. C'est pas grave. Chris Anderson, c'est celui qui interprète encore d'ailleurs le fameux Madison qui a fait le tour du monde, où tout le monde danse dessus dès qu'on entend, un petit peu comme Claude François. Oui. Quand en boîte de nuit on entend son Madison et tout le monde se lève et on danse ce Madison. Donc très très très sympa, un personnage. Très sympathique, très simple, voilà, j'ai eu énormément de plaisir à discuter avec lui, échanger avec lui, franchement. D'accord. Un bon parcours. Merci d'avoir rectifié là. Et puis alors, il y a aussi Evangélie. Evangélie. Oui, elle est jolie, exact. Elle est jolie. Bah écoutez, c'est vrai que elle est je dirais pas inaccessible, parce que le mot serait pas vrai, parce qu'elle a accepté qu'on fasse une photo ensemble. Oui. Mais elle est plus du côté réservé, elle est D'accord. plus mais je respecte, hein, parce que chaque Bien artiste sûr. A envie ou pas de se mettre en avant pour certaines choses. Voilà, elle a fait son job. Les gens étaient très contents. Oui, on a pu oui. faire une petite photo ensemble, parce que je pense que ça faisait plaisir aux fans de la partager. Mais voilà, c'est tout. C'est sympa. Je peux malheureusement rien dire d'autre. Non, des mensonges. J'ai pas envie donc. Quand je disais, elle est jolie. Bon, c'était ma petite note d'humour. Ouais, tu sais, j'aime bien dans mon émission. Oui. elle est agréable. On va dire qu'elle est agréable. D'accord. Ouais, tout à fait. ok. ouais, j'allais dans ton sens, elle est jolie. Alors Alain, non, mais... il est 16h45, donc voilà. Ouais. Je te propose d'écouter donc une troisième chanson, troisième titre, intitulé Ma comédienne. Donc là, on va découvrir un peu hein, l'exclusivité. Donc ça, c'est un titre aussi qui sera sur ton futur album. Hein. Qui est magnifique aussi. Franchement, écoute, je tendez l'oreille, écoutez l'histoire, elle est fabuleuse. D'accord. Alors on écoute et puis tu nous en reparles un petit mot après. Okay. Avec grand plaisir. Merci grand Alain. Plaisir. Magie opère intact. Elle est comme ces comédies romantiques où l'on passe par tous les sentiments et je la partage avec le public, du moins à l'écran. Mais quand les projecteurs s'éteignent et les acteurs quittent le plateau, elle redevient ma comédienne. Adieu Shakespeare, adieu Giono. Et quand elle descend de la scène, faut en tirer le grand rideau. Elle redevient ma comédienne. Adieu Vaudeville et Cyrano. D'où lui vient cette folle envie de jouer, incarner tant de femmes différentes, souvent prendre les risques démesurés, sans savoir s'ils vont la comprendre. Elle en a le besoin de donner l'amour qu'elle a si souvent retenu et cette pudeur qu'elle tient à partager avec tous ceux qui sont venus. Mais quand les projecteurs s'éteignent et les acteurs quittent le plateau, elle redevient la comédienne. Adieu Shakespeare, adieu Giono. Et quand elle descend de la scène, une fois tiré le grand rideau, elle redevient ma comédienne. Adieu Vaudeville et Cyrano. C'est pour elle comme un bout d'enfance qu'elle n'a jamais enseveli, bien plus précieux que des vacances à l'infini. Ma comédienne. Alors, c'est pas ma comédienne, mais c'est ma technicienne. Enfin, c'est Lia qui aimerait te dire un petit mot, Alain. Oui, avec plaisir. Alors, franchement, c'est mon coup de cœur musical, là, de ton album, Alain. J'ai vraiment adoré cette chanson. Il y a des cordes derrière qui t'accompagnent? Oui, tout ouais. à fait. Moi, je suis une amoureuse du violoncelle. Hein. J'en ai fait pendant quelques années. Et vraiment, d'accord. ça donne une vibration, une profondeur très, très intéressante avec ta voix. C'était vraiment magnifique. Ah, voilà. C'est très gentil. C'est ouais. très, très gentil. Mais c'est avec plaisir. C'est le côté un petit peu, on a voulu, pour rejoindre un petit peu justement le côté un peu violon, un peu les cordes, c'est pour lui donner une harmonie un peu théâtrale, un peu même de conservatoire, quand on a envie de citer un petit peu le côté théâtre, un peu, comme à la fois sur scène. Donc ça me touche, ça ouais. me touche énormément. Mais c'était un très beau morceau. Ah, bravo. Ah bah c'est génial. Waouh. C'est agréable Alain, hein, d'entendre la voix féminine dans mon émission. Exact, ouais, exactement. Ouais, c'est vrai, hein, voilà. C'est adorable, comme ouais. C'est sincère, c'est ouh. Alors Thierry nous écoute. J'ai vu passer un petit message. Alors, mais je sais pas s'il y a pas ça bug un petit peu sur mon smartphone. J'ai pas pu récupérer le petit mot qu'il m'a mis. Mais bon, voilà, Thierry est à l'écoute. J'ai le petit mot, c'est, je sais pas, ça bug sur mon portable. Voilà, bon. Je verrai bien après si Thierry est bon, il nous écoute, s'il peut me remettre ça sur mon Facebook officiel, parce que je crois que j'ai vu sur l'autre Facebook, enfin c'est pas grave. Voilà, mais bon, voilà, Thierry est à l'écoute. Hein. Et c'est très gentil. Voilà. Alors pour la petite histoire justement de ma comédienne, si on peut en parler un tout petit peu, c'est bien sûr. Tout à l'heure Thierry, justement, il a dit quand on était venu chez lui, effectivement, on est allé dans son atelier, enfin je ne sais pas le terme qu'il a dit, mais bon, on est arrivé chez lui. Dans sa tanière, je crois. Dans sa tanière, voilà. J'ai découvert son univers, son écriture, je suis tout de suite tombé fan de ses compositions, on aurait passé des heures et des heures à découvrir tout ça, et je regarde Isabelle, et puis... je lui laisse une proposition à Thierry en lui disant, voilà, écoute, j'aimerais que tu m'écrives des chansons. Alors, j'avais envie de chanter les siennes. D'ailleurs, j'ai chanté Treblinka et 37 novembre de Thierry et de Jean-Marie Elbé, qui est compositeur. Et puis, quand il m'a dit, écoute, je te laisse le droit de les chanter. Par contre, elles ne peuvent pas t'appartenir puisqu'elles ont été écrites pour quelqu'un d'autre. Mais j'aimais tellement ces chansons-là qu'il m'a donné l'accord. On rentre à la maison le soir même, et le lendemain, il m'envoie un message et il me dit, va sur ta boîte mail. Je vais sur ma boîte mail. Et puis là, je découvre ma comédienne. Sans la musique. Avec son l'air qu'il m'avait fredonné. Ouais. Et là, je tombe sous le charme. Et là, il l'envoie à Luigi. Et là, je reçois cette chanson et j'en ai pleuré parce que, et même là, j'en suis ému parce que d'avoir en l'espace de quelques heures eu cette faculté de pouvoir retranscrire une chanson qui ressemblait à notre histoire, j'ai trouvé ça fabuleux. Tout à l'heure, j'ai voulu, quand j'ai dit, c'était Rodagile aussi, que je lui ai souvent dit, parce que il a cette faculté de pouvoir écrire et de retranscrire une histoire, qu'elle devient théâtrale. Ma comédienne, pour moi, je la vois comme ça, je la vois telle que ça, telle une pièce de théâtre qui pourrait être... le générique d'une fin de d'une pièce, et j'ai dit, mais c'est à la fois subtil, c'est généreux, c'est tout ce qu'il y avait dans mon sens et dans notre sens à tous, et c'est pour ça que je suis très fier de tout à l'heure qu'on me dise que c'est un coup de cœur, que c'est ouais, parce que c'est une chanson quelque part aujourd'hui elle nous appartient plus. Oui, et c'est vrai. Ceux qui vont la découvrir, elles vont l'aimer. C'est vrai qu'après, elles appartiennent au public, on le dit souvent. Exactement. Hein, c'est vrai, hein. Exactement. Alors, Alain. Ça me touche. Pardon, ouais. Excuse-moi. Non. J'ai récupéré le petit message. Alors, enfin, quand je dis j'ai récupéré, non, en fait, c'est mon amie Lynn qui est très réactive. J'ai une agente qui est très réactive. Ouais. Alors, Thierry nous disait bonjour à toute l'équipe. Bouleversante émission. Et puis, il rajoutait, si Lia veut lui poser une question, ce serait bien qu'elle intervienne. Voilà. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Excellent. Voilà, tu vois, c'est, voilà. On avait récupéré ce petit message de Thierry. Voilà. C'est super. Non, j'adore ces petits moments qu'on passe ensemble, là, tous ensemble. Parce oui, c'est convivial. On part avec cœur ouvert, on part avec légèreté, avec sincérité. Et c'est, moi j'adore. Voilà. Ah ouais. Moi c'est ce qui m'a plu chez toi. Hein. Bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, on s'est parlé un petit peu au téléphone pour préparer l'émission bien avant. Et puis après, voilà, je répète un petit peu, mais quand je t'ai vu sur tes lives et tout, je dis ça, c'est un artiste. Voilà, franchement, on sent chez toi, comme je dis, la sincérité, d'être humble, d'être proche de ton public et sans grosse tête, je dirais. Voilà. Hein, si voilà. Oh non, ça m'intéresse pas, ça. Je sens bien. Ça m'intéresse pas. Au contraire, j'ai envie de rencontrer des gens à la fois simples, d'univers peut-être complètement différents, mais je pense que par la solidarité, on peut tous apporter quelque chose qui nous permettrait de mettre un pied devant l'autre sans avoir à regarder derrière si on va pas faire une erreur ou si on n'a pas fait une erreur. Oui. Ou si on va pas être trahi ou ça ou voilà. Et surtout, surtout avec les temps qui courent. Oui, voilà. Ah, ça fait et du puis, bien. Exactement, et puis de rencontrer des gens comme toi, des gens comme Lynn que j'ai vraiment cœur à découvrir aussi, parce que je me suis rendu compte que elle tapit dans l'ombre et puis elle ne fait pas de bruit et puis elle vient, elle écoute, elle écrit un petit mot, elle, oui, c'est toujours vrai. De la tendresse, de la bienveillance et moi j'adore ça parce que c'est voilà, c'est je vais pas non plus comment dirais-je. Mais enfin moi j'aime ça quoi. Voilà, donc j'ai vraiment cœur à vraiment découvrir aussi cette personne-là aussi parce bien que sûr, on a des belles personnes à rencontrer, c'est vrai, exactement. Exactement. Alain, je te propose donc qu'on écoute la quatrième chanson. Paris. Alors Paris. Alors celle-là, ouais. Moi, je l'adore aussi. Je te dirai pourquoi après. D'accord. on va l'écouter et puis on en reparlera. D'accord. D'accord, avec grand plaisir. À tout de suite. Ah, je suis content de voilà que vous découvriez, enfin que ces gens qui les connaissent pas de partout, oui, de voilà que qui écoutent ces chansons. Je suis très très content. Là aujourd'hui, je suis heureux de me dire que des chansons vont être découvertes en Suisse, en Belgique, au Canada, de gens qui voilà inconnus, qui vont devenir peut-être fidèles, qui le seront peut-être pas, j'en sais rien, mais en attendant. Je trouve ça magique, quoi. Bah pour nous, c'est vraiment aussi un plaisir de découvrir Alain, de découvrir ton univers. Et c'est franchement, c'est moi, c'est pareil. Hein. Tu parles là, tu me donnes un petit peu des frissons. Ah bah c'est. Alors on écoute parti. Paris. C'est parti. C'est parti. Paris. Tu dis que ta vie c'est du vin, les larmes. Du rose teinté de blanc, mais de ta peine tout le monde se fout. Alors tu t'inventes un bonheur, une histoire qui n'est pas la tienne, et tu y rajoutes des couleurs, même si elles n'ont rien de réel. Et dans ces regards que tu croises, tu voles comme un semblant d'espoir, une nouvelle envie qui te gagne, d'aller forcer la chance. Paris, Paris que ta vie. Chaque coin de rue, Paris, jusqu'à ton dernier je t'aime, qu'elle t'ouvre ton grand l'amour, et la roue tourne et te sourit, accepte la main qu'on te tend, tu n'as pas cru en ton Paris, même si le ticket est gagnant, et dans ces regards que tu croises, tu voles comme un semblant d'espoir, une nouvelle envie qui te gagne. D'aller forcer la chance, Paris, Paris que la vie est belle, pleine de surprises, d'imprévus, Paris, Paris, Paris, Paris, que le bonheur s'éveille, même où on ne l'attend plus, Paris, Paris que ta vie jumelle, les âmes à chaque coin de rue. Paris, jusqu'à ton dernier je t'aime, qu'elle tourne tout dans l'amour. Paris, encore une belle chanson. Ah, oui. Moi, je sens que cet album, voilà, qui paraîtra, hein, on va dire en fin d'année, voilà, ça va être un magnifique album. Alors, moi, j'adore cette chanson, les autres aussi. Mais je dis quand j'écoute cette chanson, je dis ça sent bon la France. Alors, c'est des belles paroles, belles mélodies. Et quand j'écoute, j'ai l'impression d'entendre un petit peu, tu sais, les plus anciennes chansons qui étaient chantées par, je reviens quand même assez loin, par Francis Lemarque, Yves Montand, et bon, j'en passe et d'autres, hein, mais voilà, ça me donne un petit côté nostalgique. C'est nostalgique, voilà, c'est un petit peu mon ressenti sur cette chanson-là. Bah, c'est comme le terme, le nom de l'émission, hein, les années bonheur. Hein, ah ben bah, voilà, les années bonheur, c'est ça. voilà. C'est que bah, c'est vrai que tous ces chanteurs, c'est comme Julien Clerc au début, ou Yves Montand effectivement, ou Serge Reggiani. Oui, bien sûr, aussi. C'était porteur de messages. Ouais. C'était porteur de comme Fugain, j'adore. Voilà, donc tous ces chanteurs, ces textes-là ne vieillissent pas, et j'espère que ces chansons-là ne vieilliront pas, parce qu'elles nous rappellent quelque chose et elles continueront de nous rappeler quelque chose. Et Paris. Pour l'histoire, c'est qu'il y a une double casquette. C'est que Paris, c'est le Paris que ta vie est belle, Paris que ta vie vaut le coup d'être vécu et ne baisse jamais les bras. Paris, à la fois, c'est bah, la capitale, c'est oui, effectivement, c'est là-bas la vie peut être belle, là, on peut tout réussir à Paris, on peut voilà. Et c'est, je trouve que justement le fait qu'elle ait une double casquette la rend encore plus intéressante, parce que la personne qui va l'écouter, bah, elle peut comprendre plusieurs choses à la fois, et c'est ça qui est fantastique. D'accord. Eh ben, écoute, Alain, il est 17h02. Ouais, voilà. Voilà, hein, ça passe vite. C'est vrai. Mais de toute façon, tu sais, franchement, dans le studio déjà avec l'IA, tout ça, on a bien aimé, bien accroché à ces chansons. Et là, je veux dire, là, je pense qu'on va être impatient. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. On va être impatient d'écouter la suite, hein, de l'album. Et je prends déjà rendez-vous avec toi. Ah, bah, c'est très gentil. On va rester en contact, bien sûr. On aura l'occasion de. Hein, il y aura encore quelques temps à passer, mais on aura plaisir à te retrouver sur nos ondes. Voilà, pour continuer l'aventure, je dirais, si on peut le dire un peu comme ça. Hein, on se lâche plus, hein. On se lâche plus. Hein, c'est vrai. Non. C'était un réel bonheur d'être avec vous, et puis d'avoir partagé ces chansons, d'avoir fait connaissance avec des gens que j'aurais pas pu rencontrer grâce à vous. Enfin voilà, c'est grâce à vous tout ça. Et oui, comme disait ma grand-mère, je cite souvent, elle me dit, pour savoir d'où on va, faut savoir d'où on vient. D'où on vient, oui. Et c'est vrai que j'ai cœur à découvrir voilà, de nouvelles personnes. Donc s'ils veulent s'abonner, s'ils veulent faire partie de tous les amis, de tous les nouveaux fans, de tout ça, bah qui viennent nous rejoindre, et plus on est fou, plus on rit, quoi. C'est vrai. Mais écoute, Alain, c'est un grand bonheur et un grand plaisir de t'avoir reçu cet après-midi. Partagé. Voilà, dans les années d'honneur. Et franchement, voilà, ça passe, comme je dis, ça passe toujours trop vite, mais bon, voilà, c'est pas fini. Non, pas fini. Exactement. On se retrouvera bien sûr. Hein. Et moi, je te souhaite, bonne continuation, hein, bien sûr. C'est très gentil. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Et puis ben, voilà, ça c'est sûr pour le futur album. Hein. Et ben, c'est très gentil. Et puis moi, je vais vous faire un bisou à tous, à vous tous au studio, Aline, tous les auditeurs qui ont partagé ce petit moment ensemble, et puis sans oublier tous mes fans qui sont de Bordeaux, de Paris, de France, parce que je sais qu'ils sont nombreux. Oui, on est fidèles, mes amis, la famille. Et puis voilà, je vous fais un gros gros bisou, et puis que ça dure le plus longtemps possible tout ça. Eh ben écoute, Alain, on t'embrasse. On te fait des bisous aussi. C'est vrai que on a passé une belle heure avec toi. Ah, c'est ça me touche. Voilà. C'est gentil. On te remercie, Alain. Merci à tous. Et à très bientôt. À très très bientôt, merci. Bye bye. Bye. Voilà, amis auditeurs, auditrices, voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Merci Lia pour la technique. Bah avec plaisir, j'étais ravie de participer. C'est gentil. Oui, hein, ouais. C'était voilà. Oui. Je pense que c'était une belle émission, hein. Voilà, avec Alain. Très très belle émission, un très très beau artiste, ouais. Très belle artiste. Très belle voix et tout. Ouais, impeccable. Et très très chaleureux, très sympathique. Hein, c'est bah, vrai. Ça, on adore. C'est agréable. Ah oui, tout à fait. Voilà, bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Bonne soirée à vous, portez-vous bien, bye bye. Dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment.